J'ai une passion, une voix intérieure, un contrepoison qui me vient du cœur, qui me réconforte des malheurs du monde, des émotions sottes que ma tête féconde. Car je m'en vais au pays des rires et des chantres de la vie, puis je visite les reines qui guérissent les peines. Certes, les douceurs, les caresses empêchent que le bonheur disparaisse, mais tout cela est bien fragile face au loup qui rutine. Parfois je capitule et mes efforts s'annulent. Je me cache dans le désert et tranquillement je creuse la terre. Mais j'ai peur du froid, du courage que je n'ai pas, et j'ai peur que tu m'oublies. Alors je me raisonne et puis je vis. Je m'en vais au pays des rires et des chantres de la vie, puis je visite les reines qui guérissent les peines. Certes les douceurs, les caresses empêchent que le bonheur disparaisse, mais tout cela est bien fragile face au loup qui rutile. Si c'est magique d'être cette exaltation, qui me sauve du vide, à cette guérison qui me rend intrépide. Car je m'en vais au pays des rires et des chansons.